La sexualité humaine de l'involution versus celle de l'évolution. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! Lors de l'involution, la sexualité était le résultat d'une programmation biologique servant à générer de nouveaux corps dans la matière. Comme l'espérance de vie des corps physiques des êtres inconscients était brève, il s'avérait nécessaire que l'instinct de survie soit fort pour qu'il y ait régulièrement des accouplements et un renouvellement de la population terrestre pour compenser les décès et empêcher l'extinction de l'espèce humaine. La sexualité était basée sur l'attrait de la forme et liée à une programmation génétique allant en ce sens. Elle ne pouvait pas être altérée par la psyché de l'individu inconscient et son vécu lui était imposé. Ce dernier ne bénéficiait pas de la puissance vibratoire, de l'énergie de l'esprit, pour manifester une volonté suffisamment réelle et puissante pour avoir la capacité de s'en affranchir. L'esprit n'était pas descendu en lui et il n'était pas entré dans l'âge de la fusion de l'âme et l'esprit. Lorsque l'individu de l'évolution aura intégré suffisamment d'énergie de l'esprit, il ne sera plus sous les influences de l'instinct, du plan astral et des lois de la biologie. Par conséquent, il ne pourra plus se faire imposer du désir sexuel en relation avec ces éléments. Toutefois, il pourra néanmoins avoir une activité sexuelle, mais affranchi de ses influences et étant l'expression de son individualité. Elle sera alors générée et voulue par lui de manière volontairement consciente plutôt qu'imposée par des forces externes qui lui échappent ou qui lui sont voilées. Le phénomène de la contraception sur Terre va dans le sens d'une émancipation par l'individu de sa programmation biologique. L'utilisation des moyens de contraception permet aux individus de déterminer lorsqu'ils vont avoir des enfants ou non, plutôt que cela soit simplement le fruit de l'expression de pulsions sexuelles. L'utilisation de moyens contraceptifs sur le plan physique permet à l'individu en voie d'évolution de faire la gestion de sa vie sexuelle. Il compense le fait que temporairement, il n'a pas la capacité de faire la gestion intégrale de sa vie sexuelle et sa fertilité en ayant recours à la puissance de l'action de sa volonté individualisée pour commander à la matière, dont son corps biologique. L'individu ancien est soumis à la programmation de son corps biologique alors que l'individu nouveau va ajuster son corps biologique à sa volonté réelle. Sa conscience ne sera plus soumise à la matière et elle bénéficiera de l'intelligence créative pour l'altérer. Donc, il va se sortir lui-même de l'involution. Éventuellement, la production de spermatozoïdes sera sous la gestion de l'individu masculin et les menstruations seront gérées par l'être féminin pour éviter les pertes d'énergie occasionnées par ces phénomènes de nature biologique subis de manière récurrente par les êtres de l'involution. L'individu conscient pourra se sortir lui-même d'une programmation génétique involutive servant la survie de l'espèce pour en venir à vivre à son rythme. La programmation évolutive ne sera plus adaptée à lui lorsqu'il sera entré dans son individualité. Il aura alors passé de l'état de survie qui lui était imposé à l'état de vie qu'il se donne dans le respect de son être. Lors de l'involution, la création des couples était générée essentiellement par l'influence de forces sexuelles au sein d'individus. Ces derniers s'accouplaient sous influence en étant dépourvus d'identité individualisée. Les couples générés alors visaient à favoriser la procréation en s'appuyant sur une dynamique de l'attrait de corps physique d'éventuels partenaires. La forme, liée à une programmation biologique historique au service de la survie de l'espèce. Lors de l'évolution, les couples seront générés par la rencontre d'êtres mis en vibration par les plans de la lumière pour créer des alliances psychiques évolutives. Ils s'appuieront sur une dynamique de l'attrait de la vibration derrière la forme, des êtres impliqués, se rapportant à des programmations d'esprit favorisant l'évolution des consciences. La finalité du couple involutif était la reproduction de l'espèce sur le plan biologique. Celle du couple de l'évolution sera l'alliance psychique favorisant le développement et le rehaussement du taux vibratoire des gens y étant impliqués. Les échanges physiques avec les organes génitaux entre individus sur le plan biologique seront progressivement remplacés par des échanges psychiques d'énergie de vie entre des individus pour qu'il y ait des ajustements énergétiques entre eux qui se produisent en vue de favoriser leur évolution mutuelle. Si à la différence des êtres de l'évolution, ceux de l'évolution n'ont plus d'espérance de vie limitée, en devenant immortels de par leur haussement vibratoire se rapportant à l'absorption de l'énergie de l'esprit, il devient alors inutile qu'ils se reproduisent en grand nombre comme les gens issus de l'évolution. Cela n'est pas souhaitable car cela occasionnerait des problèmes de surpopulation à la surface de la Terre à mesure que leur nombre augmenterait. D'ailleurs, il viendrait un temps où la reproduction des êtres humains terrestres sur le plan biologique prendra fin. Il n'y aurait plus alors de nécessité pour générer des corps physiques de cette façon, étant donné que les individus nouveaux vont pouvoir se matérialiser et dématérialiser selon l'exercice de leur volonté réelle étant le fruit de leur fusion avec l'esprit. Ainsi, le processus lourd, astreignant et très coûteux en énergie de l'incarnation ne sera plus pertinent et devenu désuet. La possibilité de se matérialiser et dématérialiser sera beaucoup plus économique sur le plan énergétique. Les échanges sexuels seront progressivement remplacés par des échanges vibratoires entre individus conscients, psychiquement consentants, lors d'activités de communication et de communion psychique entre eux. Ces dernières auront la possibilité d'altérer leur aura. De plus, elles pourront avoir cours peu importe la distance physique qui les sépare, car ces individus pourront se dédoubler pour voyager dans l'espace et le temps. Une personne de l'évolution ayant une conscience vibratoire ne pourra pas se sentir comblée totalement si elle a un échange sexuel avec une autre personne de l'évolution, pouvant être attirante sur le plan sexuel, mais étant dépourvue de conscience vibratoire, fruit de la fusion, pouvant la dynamiser sur le plan psychique, rehausser son niveau d'énergie et vivifier son aura. À mesure que la personne connaît une éthérisation de sa conscience, elle va observer que son rapport à la sexualité va s'ajuster à cette mutation psychique. Néanmoins, l'individu de la transition vers un taux vibratoire plus élevé dans le cadre de l'intégration progressive de l'énergie de son esprit peut continuer de bénéficier de sa capacité d'expérimenter la sexualité sur le plan physique, s'il a la vibration de la vivre, elle peut être même pour lui l'expression d'un plaisir de vie. Pour un individu en transition psychique, le vécu de l'orgasme peut lui servir temporairement pour le détendre suite à la descente en lui d'énergie de l'esprit qui le met sous haute tension car en décalage avec son taux vibratoire habituel. Lorsque l'individu aura totalement intégré le processus de la fusion et que l'esprit et son âme seront complètement harmonisés, il n'expérimentera plus de telles tensions énergétiques venant de la canalisation de son esprit, présentant un taux vibratoire différent de celui de son âme. Donc, rendu à ce stade d'évolution, le vécu de l'orgasme ne lui servira plus à procéder à l'élimination d'une tension énergétique occasionnée par l'exposition à une vibration venant de l'esprit qui le rehausse et le travaille. L'individu en transition psychique peut avoir la vision qu'il viendra un temps où il n'aura plus de désir sexuel, étant libre de la programmation biologique et astrale le générant. Néanmoins, il n'a pas à se priver en ce sens s'il ressent dans le moment présent le besoin de vivre une vie sexuelle active, car sinon il ne vit pas en son temps réel et cela peut lui occasionner de la tension et de la frustration. Il se trouve alors en décalage avec lui-même tant que l'énergie de l'esprit n'est pas suffisamment descendue au sein de l'individu. Il est soumis à une programmation biologique qu'il n'a pas la capacité d'altérer réellement. Si l'individu désire faire vœu de chasteté, alors que cette volonté n'est pas supportée vibratoirement par l'énergie de l'esprit, cela demeure une expression d'une volonté d'âme qui n'a pas la puissance énergétique de transformer la biologie de son corps physique en vue que ce dernier s'ajuste à elle. Donc, cela expose l'individu à vivre une tension interne entre le désir sexuel et sa volonté d'âme n'ayant pas la puissance vibratoire réelle pour y mettre fin. Par conséquent, cette personne risque alors de souffrir du désir sexuel non comblé. Elle s'avère susceptible alors de s'illusionner en croyant pouvoir transmuter sa sexualité, même si cela n'est pas réel. Donc, si l'individu ne peut pas changer réellement sa condition biologique par l'exercice de sa volonté, il vaut mieux qu'il compose intelligemment avec elle. Donc, il est intelligent que l'individu ait des activités sexuelles s'il a la vibration d'en avoir et de ne plus en avoir lorsqu'il n'aura plus la vibration d'en avoir. Il doit s'écouter d'abord en suivant sa vibration et en étant honnête avec lui-même. Voilà ce qui termine maintenant la lecture du texte qui s'intitule « La sexualité humaine de l'involution versus celle de l'évolution ». Vous pouvez le retrouver en cliquant sur le lien qui figure en bas de cet enregistrement. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt.